En Corée, le prix des sciences et techniques 16 février, prix suprême national du domaine des technosciences, a été décerné au système de service médical à longue distance établi dans tous les coins du pays. Rappelons que ce système médical a été introduit à l'échelle nationale en 99 du Tuché 2010. Il a permis d'augmenter décisivement les qualités de service médical, de créer de nombreuses méthodes d'opération et d'opérer un tournant dans l'amélioration de la capacité des hommes sanitaires pour ainsi faire preuve de la supériorité du régime sanitaire socialiste et de la vitalité du système des soins médicaux gratuits pour tous.